lâche, bloqué dans les caves, dans les bois. Plus loin, y'a ton business de travail, on est des soldats, drogue rare. Gros poids, porora dans le caviar. Les grosses gardes, les grosses stars, cire. Orangers, blanche à moitié vert. J'ai trop shooté dans les billets, je sais le faire. J'ai te faire taire, marteau sur doigt de pied, sévère. Mon misère n'est pas dans mon abécédaire. J'ai aimé, mais mon cœur a été piraté. Puis s'aimé dans le béton avec du sang sulfaté. J'en regarde dans la glace, je vois le chitan miroité. J'ai pas d'appalace, j'suis mad ici, j'ai des conneries. Essence, puis j'brouille les raclis. On n'est pas des chaînes, juste une clique de grizzly. Ma poule, j'suis meurtre, j'suis riche, ma bonne. J'allais à l'école quand j'rentrais au toxico, j'vendais ma colle. J'suis soldat, t'es un rat, j'suis le roi, t'es un nan, j'te dis juste. Et toi, quand tu me vois, j'suis plus là. Tu me vois pas, j'suis derrière toi, juste à dire. Et toi, dans les magasins ou l'usine, ma pute entre tes seins, mon urine, ma bitch. Et toi, j'suis atypique, quand tu flippes, j'te nique mes soldats cric, négro. Et toi, les soldats marcheront ou pas sur les ailes. Les dollars voleront ou pas sur les cadavres. Les molars seront ou pas ton audace. La pute, tu nous vois, on s'arrêtera pas. On est des soldats, grave pute. Les soldats marcheront au pas sur les épaves. Pute, mes dollars voleront ou pas sur les cadavres. J'suis soldat, t'es un rat, j'suis le roi, t'es un âne, j'te dis juste. Et toi, quand tu me vois, j'suis plus là. Tu me vois pas, j'suis derrière toi, juste à dire. Et toi, dans les magasins ou l'usine, ma pute entre tes seins, mon urine, ma bitch. Et toi, j'suis atypique, quand tu flippes, pas j'te nique mes soldats cric, négro. Et toi, enviré dans la Lambo, cagoule sur la tête, EPO dans le labo. Du sang glacial sous la peau, PCP, extra cannabis, méthadone. Ma vibe c'est Rimbaud, version ghetto, de toute écho. Les fusillades fusent, brûlent les voitures, ça amuse. Pour éviter les passants sur russe, j'envoie une intruse. Mettre une photo de toi nu avec un vieux PD dans la nuit. Sur Skyblade, MySpace, Facebook, m'abuse. J'suis pas la haine à force de dose de crack liquide dans la veine. Cannibale, j'bouffe ta meuf végétarienne. J'ai 666 ordres dans ma boîte crânienne. Baiser les putes, reprendre leurs règles comme la mer caspienne. La nuit tombe dans l'obscurité, les vipards comme des feuilles mortes. On est tronc comme des spars. Dans le sommeil, les vieux et les jambes s'écartent. De ta fameuse, j'lui fais 4 mioches alors que tu lui lèches la chatte. Soldat un jour, soldat toujours. Je tire et j'baisse, j'fais la guerre et l'amour. Sans raccord, j'suis pas une racaille, juste un rappeur d'accord. J'ai les pare-balles, j'arrive en retard à l'heure de ma mort. J'suis soldat, t'es un rat, j'suis le roi, t'es un âne, j'te dis juste. Et toi, quand tu me vois, j'suis plus là. Tu me vois pas, j'suis derrière toi, juste à dire. Et toi, dans les magasins ou l'usine, ma pute entre tes seins, mon urine, ma bitch. Et toi, j'suis atypique, quand tu flippes, j'te nique mes soldats cric, négro. Et toi, j'suis soldat, t'es un rat, j'suis le roi, t'es un âne, j'te dis juste. Et toi, quand tu me vois, j'suis plus là. Tu me vois pas, j'suis derrière toi, juste à dire. Et toi, dans les magasins ou l'usine, ma pute entre tes seins, mon urine, ma bitch. Et toi, j'suis atypique, quand tu flippes, j'te nique mes soldats cric, négro. Et toi,